peace and love, c'est pas des lol, elle transmet des lignes, rien qu'il pleut des balles, je fumais de la frappe, elle m'a mis une claque, je suis dans la rescate, direction à l'Espagne, ça va en des packs, je vis par la monde et au break, ça y est tu me fais le mat parce que tu as fait le bec, je roule pas des sticks, je suis pour l'Olympique, j'suis toujours mon éthique devant l'ordi comme un geek, ça va faire chez Nenéo, elle quitte baba, elle a dit gros Nenéo, tu veux profiter, va te promener, tu peux sauver, je veux plus t'emmener, les yeux collés, je t'en comme un snail, je suis 7 sur 7, je me mets pas dans le néo, nous suffit l'OM, demande à mon béo, les toits sur le maillot, elle peut pas tomber, je fais la danse de tourpoint, comme Dix ou Patrick Jambouin, je fais la danse de tourpoint, comme Gibbs ou Patrick Jambouin, ni c'est l'avenir, I love, ni c'est l'avenir, I love, ni c'est l'avenir, I love, ni c'est l'avenir, I love. Audi RS6, transfert bénéfice, la mise des cuisses, n'oublie pas du bien. Audi RS6, transfert bénéfice, la mise des cuisses, n'oublie pas du bien. Y'a de la bombe dans le coin, faut que je la cache, il me reste aucun point. Lui fait que mentir, ouais, il joue sur ta vie. J'ai envie de m'évader, c'est moi le maquis. Mes potes, ils grimpent les murs, s'ils veulent, ils rentrent chez toi, c'était Yamakasi. J'suis pa là, dans la bouche une kakakakaka là. J'suis en train de bla bla bla bla bla bla. J'fais du son pour la balle, la. Ouais, c'est qui là? L'omni du ghetto, j'suis pour les guetteurs, vendeurs de bédos. J'suis contre des métaux, j'suis contre des réseaux, j'suis pour les mythos, sur les réseaux. Trop fin, ça fout le maillot. Il parle des échos, y'a qui tire un sort. Aux armes, t'entends les échos. Trappe de fou et j'suis tout terrain. J'ai débarqué dans le game comme les cutéreux. Love, ni c'est l'avenir, I love. Ni c'est l'avenir, I love. Ni c'est l'avenir, I love. Ni c'est l'avenir, I love. Audi RS6, grand clair bénéfice. La mise des cuisses, n'oublie pas du bien. Audi RS6, grand clair bénéfice. C'est l'avenir, I love, ni c'est l'avenir, I love.